Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que votre samedi se passe bien. Je vais vous accompagner pendant cette demi-heure avec cette musique que vous aimez tant. Alors, on va commencer avec la découverte. Denroy Morgan est plus connu pour le reggae que le funk, mais j'ai trouvé ce morceau de 1980 juste super, donc je me dois de vous le présenter. Alors, c'est l'ancien chanteur du groupe The Black Eagle. C'est le créateur du célèbre « I'll do anything for you » et il a entamé une carrière solo avant de devenir producteur et propriétaire d'un studio qui s'appelle le studio 71 Records à New York. Et il nous a quittés, hélas, en 2022 et on va s'écouter son plus fameux morceau. Nothing in the world that I won't do. I'll give the world to you if you want me to. I'll do anything. Nothing in the world that I won't do. I'll give the world to you if you want me to. I'll do anything. do anything. Nothing in the world that I won't do. I give the word to you. If you want me to, I'll do anything. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Il est temps de rendre hommage à une personnalité du funk qui nous a quittés en septembre, Frankie Beverly. Alors, il est surtout connu pour son groupe Maze, créé à la fin des années 70. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2024, le groupe, il est encore actif. Vous imaginez un peu le nombre d'années de carrière. Alors, Frankie Beverly, il faut savoir qu'il a donné son dernier concert le 2 septembre 2024 à Philadelphie. Et ce jour-là, il se vit remettre une Liberty Bell, c'est le symbole de la ville. Je vais vous laisser avec Before I Let Go, paru en 1981. Oh, pour l'instant français, on va se diriger vers Boule Noire et son Aimé d'amour. Aimé d'amour, eh bien, c'est aussi le troisième album studio de George Thurston. Alors George Thurston, c'est le nom dans la vie réelle de Boule Noire. Et l'album, il est sorti en 1978. Eh ben, il faut dire que le morceau titre de l'album, Aimé d'amour, il a cartonné. L'album d'ailleurs, il s'est vendu très très bien en Europe et aux États-Unis. Et il a été certifié double disque d'or. C'est plus de 100 000 exemplaires de vendus. Alors, dans les chœurs, on pourra entendre la célèbre Nanette Workman. Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est pas la Saint-Valentin, mais ça fera le job pour notre émission. Et comme vous avez été sage cette semaine, je vais vous passer la version maxi. C'est parti! Thank you. Et comme vous avez été sage, vous aurez droit à un deuxième maxi parce que justement, c'est la rubrique du maxi. Alors aujourd'hui, ça va être à Unlimited Touch d'assurer. Ils ont intérêt à faire bien après Boule Noire. Alors j'ai choisi le morceau Good Loving, paru en 1983 et extrait de l'album Yes, We Are Ready. Alors on a déjà écouté des morceaux de ce groupe dans notre émission, mais êtes-vous prêt pour celui-ci ? Ça, c'est une bonne question. C'était en 1983 et ça donnait ça. Et pour finir avec la pépite, un habitué d'ici, j'ai nommé le groupe Imagination. Alors, qu'ai-je bien pu vous avoir choisi aujourd'hui ? Un morceau de 1981 paru sur l'album Body Talk. Vous trouvez ? Bah non, évidemment, sinon ça serait trop simple. Tell me, do you want my love ? Vous allez voir que le synthé sur ce titre est juste incroyable. Et pour les fans, je pense que vous ne pourrez plus vous en passer. Alors pour info, il est jamais, mais alors jamais, sorti en 45 tours. Bon, allez, assez parlé, place à l'écoute. Nous allons nous quitter sur ces belles paroles. Je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous, même en heure, même endroit, samedi prochain. Bye bye. We'll be right back.